Laurent Garnier, it is what it is. What we're gonna do now. We will have some background music now that will assist you. It is what it is. C'est l'endroit étrange et merveilleux où rien n'est comme ailleurs. It is what it is. With Laurent Garnier. A pure musical trip. What is the definition of a track? It is what it is. Please keep your attention. It's a matter of you. It is what it is. Bonjour et bienvenue sur It Is What It Is. Au sommaire aujourd'hui, des grooveries, de la solitude, de la technologie, des bizarreries, une bonne dose de bonheur en bar, mais surtout énormément de musique. Vous êtes sur It Is What It Is. Bon voyage. Le Move. It Is What It Is. Laurent Garnier. We'll be right back. étonnant morceau Que tu, signé Alif Tree, tiré de son dernier album Clockwork. L'album sort sur le label allemand Compost. J'aime beaucoup Alif Tree, ça fait longtemps que je le suis, le Marseillais. J'ai eu la chance d'écouter ses toutes premières démos il y a quelques années. Je trouve que c'est un artiste qui est en perpétuelle évolution. Et son dernier album est une petite merveille. Il n'y a pas très longtemps, je vous parlais de la qualité de la scène hip-hop anglaise en ce moment. Et là, je viens de découvrir un petit track bien londonien de derrière les fagots. Et ce genre de truc, ça me réchauffe le cœur. Kickstart, break them apart, terrorize blatant Kane and I'm hard. We run traitors out of their yards, scuffing inch, we making a blast. Terrorist nemesis bubbling up bars, specialist nemesis rolling off sharp. Spitting out concrete, making a path, we eliminate anyone with my craft. Touch the flavor, it's scuff, the force of nature. I'm running through the layers of shrouds like swords or sabers. I cater for my own sound, spit for your home crowd. I'm sick and dope. Lips going from Smoky Town. Right now we're singed and injured. I'm very, very good at many, many things. I jump buildings, got my feet got springs, and I commit a DJ wielded him. Got a whole crowd stampeding, feeding. We say stop and there's no breathing. Keep heaving and steaming and leaving me evenly bleeding. Stuck in the day to day, we keep it bubbling like. People are crumbling in vain, facing the ancient ways. Rubbing your face and something laced with pain. Some of your blatant stains, we run in the places, funny your faces drain. So when you're ready to bubble it up, we keep it hype, no shame. Scuffing injury, taking the game, you confront and you get maimed. When you're ready to bubble it up, we keep it hype, no shame. Scuffing injury, taking the game, you confront and you get maimed. Modern day fable, complicating league tables. Clean able, garrotting leaders with speaker cables. Then I'll show you the faithful, don't ever test blood, it's fatal. When I might down your throat, then I'll pull out your inside black, that's painful. That's how I rock the cradle, man, get murk and I call it playful. Slap you twerps and burn your label, shut your mouth or die when I say it. I tell them, don't test me, cause I'm not for testing. I'll teach the newest MCs, that's the hot lessons. I'm box fresh in the mix, that's not said of my kicks. I plot clever lyrics, but hot-headed whenever I spit. Box deaf like I've never been sick. It's dot F-U-K-S, except like the letters you flip. I-N-J-A, running them up whenever we spit. Shutting them up with clever lyrics, scuffing injury, taking them, boxing them up, send them adrift. Drop them off, cause their end will be quick. We double up, their trouble is sick. Wanna bring it on, but you're far too thick. So when you're ready to bubble it up, we keep it hype, no shame. Scuffing injury, taking the game, you confront and you get maimed. When you're ready to bubble it up, we keep it hype, no shame. Scuffing injury, taking the game, you confront and you get maimed. Laurent Garnier dans le Move. Je suis d'humeur à écouter du hip-hop aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Là, on va traverser. Traverser l'eau, traverser les océans. Allez, on va aux États-Unis. Sous le pseudonyme America featuring Mos Def. On écoute tout de suite peut-être un des meilleurs morceaux que le hip-hop ait pu sortir dans les 5 dernières années. Et ça, c'est une version bootleg, réédite, que je viens juste de choper comme ça derrière l'église de mon village. Mais je peux pas la garder pour moi, je suis obligé de la partager, histoire de se faire plaisir quand même. قبرينا سبحانه مرة شبه لحرته مرة خفيفة هوته مقا عاقا إيشك مقا إيقوا وشرف شرف حاجويا أقل الله حريقته دينا عبانك الجوغة الله يا أشيقة تنت أشان ليا نهوي سمسمي صباح نوري هذو كل كليو كلوم بدني هذو حاج كجيرة حسوس بدني صاحب تا عشا عشق بيت ديلي وقدم بيستنا أنا يقيل وبا وقوبا نام بحن ونقي أردني نبض بريني مريك Malaykin wa laga suwaye, Malaykin wa laga suwaye, Malaykin wa laga suwaye. Wanagi orde nabat marine, Malaykin wa laga suwaye, Malaykin wa laga suwaye, Malaykin wa laga suwaye. There are certain things fresh and certain things mesh. I got my own sound, I don't sound like the rest. And even my attire and my choice of dress. And not long ago, I don't spoke English. The point is, police pull me over a lot. They wonder what type of rap seed I got. And sometimes I take a young girl out to eat and hold the door open. Oh, you're so sweet. Of course, my affection's super illustrated. And I like to give, don't reciprocate it. Unless you can give me something innovated. And let's cook it up, we don't refrigerate. But back to this country of the educated, where people get robbed and they celebrate it. But back to this country of the educated, where people get robbed and they celebrate it. Where people get robbed and they celebrate it. Where people get robbed and they celebrate it. Where people get robbed and they celebrate it. Where people get robbed and they celebrate it. When I get older, then I'm a buddy named Marekin, while I get so away. Marekin, while I get so away. Panagi orate nabat marine Maraiken wala gasowa ye Maraiken wala gasowa ye Maraiken wala gasowa ye Maraiken my conceit is of thee Sweet land for robberies Dope smoking SUVs Red meat and army greens Fat and frills Drills and spills Eat and sleep Pump and kill Shop to your job Work to your dad Get all you can Then get in the wind Out of my face On your knees Sleep in the mansion Shout out the streets Sleep in the mansion Shout out the streets Shout out the streets Shout out the streets Shout out the streets Lick that key Whip that trick Lick my swagger Suck my sick Get high, get low Get sticky, get rich Get your own show, get down, get quick You slow, you blow, you broke, get fixed Terra Dawn, home swag home Terra Dawn, home swag home Home swag home, home swag home America There are some things pure, while certain things blur. Diluted with the lie, and you believe when it occur. Falsified information got my people in the stir. We have to be in search of something equal to the cure. Straight out the door, I come to give you more. Lay the law, keep it raw, when I speak it from the core. Get underneath your skin like I scratched it with the claw. Conflicted with the rich, cause I kick it with the poor. I laugh in the face of adversity. Sound clash with the bass, cause it's natural to me. But if you pay attention to the past, you will see. Not long ago, you black, they'd hang your ass from a tree. But certain things change, while some stay the same. Some are recluse, others are lovers of the game. I'm trying to walk the lane, the Serato moves the cane. Instead of doing things that keep me covered in the flame. Wanagi orote, nabat marine, Maraiken wala gasowa ye. Maraiken wala gasowa ye. America wala gasowa ye. Wanagi orote, nabat marine, Maraiken wala gasowa ye. Maraiken wala gasowa ye. America wala gasowa ye. Merveille. Quelle merveille ce sample de Tlahoum GCC, l'artiste éthiopien. C'est drôle de retrouver ce genre de sample dans un disque de hip-hop. Dès que j'ai entendu ce morceau, la première fois, je me suis dit, tiens, je suis sûr que ça, c'est éthiopien. Et en fin de compte, Tlahoum GCC, il a beaucoup travaillé à la fin des années 60, début des années 70, avec Mulatu Astatke, qui est la personne quand même qui a fait connaître la musique éthiopienne au monde entier. On est parti dans l'univers techno, ça va changer un petit peu du hip-hop. Parce que j'aime ça toujours, hein. Faut pas penser que j'ai complètement pété les plombs parce que je joue deux morceaux de hip-hop l'un après l'autre. Non, la musique sur It Is What It Is, ça vient comme je le sens. On va écouter l'artiste Alexei N. Nig. Pas facile à prononcer son nom. Alexei, c'est A-L-E-2-X-E-I. Je sais pas comment on dit ça, Alexis ou Alexei. En tout cas, le morceau s'appelle The Last Romance. Et à écouter la beauté de ce morceau, je pense qu'il a pas choisi le titre par hasard. Le Move. Thank you. What It Is, Laurent Garnier dans le Move. It is what it is. Ça, c'est exactement le genre de morceau que j'aime jouer vers 3-4 heures du matin. J'aime bien demander au mec des lights d'éteindre. Et là, j'ai vraiment l'impression de les emmener en voyage dans un espèce de... Le côté trance que j'aime bien une fois de temps en temps dans la musique techno. Comme toutes les semaines, retrouvez la playlist de l'émission sur www.pedrobroadcast.com. Vous pourrez écouter les anciennes émissions et voir la playlist de l'émission de cette semaine. C'est drôle, la semaine dernière, en voyageant, je suis tombé sur une radio qui jouait le top 50. Alors ça faisait très très longtemps que je n'avais pas écouté le top 50, enfin ce qu'ils appellent le top 50, qui doit normalement représenter les morceaux que les gens aiment le plus, ou en tout cas les morceaux les plus achetés en France. Et je dois dire qu'avant je trouvais ça pathétique mais drôle. Mais alors là, ce que j'ai entendu, ça va tellement loin que ce n'est même plus risible du tout. Donc je me suis dit, il faut absolument continuer dans la lignée de ce qu'on fait sur It Is What It Is, c'est-à-dire jouer des morceaux qui, de toute façon, de près ou de loin, potentiellement, n'iront jamais dans le top 50. Et on va garder cette politique-là longtemps sur It Is What It Is. Tell me to do way. Is it only you is say? Tell me, do you have to wait? Only if I hesitate. It is what it is. De Suisseur. Je peux vous poser une question, monsieur ? C'est quoi votre style de musique préféré ? Plutôt le reggae. Merci. Have a nice day. Woke up this morning and you heard the news. Don't love the system, no. Get you confused. Remember Cha-Cha. If in a prayer, yes. Hold up your head high, high. Look at your sunlight. Give him a smile and have a nice day. Don't do no wrong, have a nice day. Sing him to song, have a nice day. Try to be strong and have a nice day. Don't break your own heart and be. Laurent Garnier, dans le monde. You got no will, nothing. Guess you lost your job. Now hungry can take your blood. In your belly bad, bad. Still you no charger. Yeah, the only one you can depend on. So, hold up your head high. Look at your sunlight. Give him a smile and have a nice day. Don't do no wrong. Have a nice day. Singing your song. Have a nice day. Try to be strong and have a nice day. Don't break your own heart and be. Skibby da ba doo dam day. Have a nice day. Skibba ba doo ba day day. Say fee have a nice day. Natty dread dam bongo. Sit down on a mango tree broad daylight. Bongo take out a pipe and load it up and then he marks me for a light. Take out the vulcan stick and then me give bongo a strike. Bongo place the chalice and then pass it on the right. Then we spoon the chalice and he feel alright. Then we have a nice day. We have a nice day. We have an have a nice day. Say we have a nice day. Have a nice day. Try to be strong and have a nice day. Don't do no wrong. Have a nice day. Don't break your own heart away. Have a nice day. And don't do no wrong. Have a nice day. Singing your song. Have a nice day. Try to be strong and have a nice day. Pour la personne au check-in de Swissair, hein, qui apparemment est assez stressée de dealer avec des clients toute la journée, donc il rentre chez lui pour écouter du reggae. Moi, je peux comprendre ça. Ça calme, le reggae. Ça donne des petits oiseaux, des petits soleils dans la tête. Ça calme. On vient d'écouter pour lui Matt Flores sur le label Farside. On va rester dans la veine du reggae, mais cette fois-ci, le reggae, on va dire, plutôt moderne, anglais, noisy, avec des basses grosses comme des pastèques. Sous le nom de Drum Sound et Bassline Smith. Ça veut... Alors là, hein, ça prépare quelque chose de fat, ça, je vous le dis, moi. Le morceau s'appelle Are You Ready? Et je vous préviens, vous avez intérêt à être prêts, parce que ça, c'est vraiment du dubstep massive. Are you Ready? Are you ready? Hey! à des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Et c'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste, que c'est mal. On ne doit pas faire de discrimination raciale, c'est mal. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Enculé de ta race. It is what it is, with Laurent Garnier. What it is, Laurent Garnier dans le monde. You know what I'm going to now? Say. I'm going down to City Road. All Bristolians are out of here. Hop from the block, from the block. Spot on your pavement. Swerve from the curve. We run around like cavemen. Hot from the block. Spot from the spot. Swerve from the curve. Step in, the shop is full of men. Stop and look around. Crew who is raving. Gorillas in the mist. Freddy Krueger nightmares. Rodeo gangsters. Chew them up like big bears. Man's looking cake anyway, anyhow. Get in the way, you'll sit anyway, anyhow. Slip jiggers don't play. Light you up some. Spit hot lead. Apple pie to hop some. Make you hold your breath for a real long time. When I start, I'm talking of a big bass line. Try to draw card, end up getting dealt with. Might be your next, but that don't mean you won't get dealt with. Big fish, little fish, rah rah rah. Callers on the corner chatting blah blah blah. Hard from your block. Spot on your pavement. Swerve from the curb. We run around like cavemen. Hard from the block. Spot from the spot. Swerve from the curb. Run around with brain. Run around with brain. From your block, spot on your pavement, swerve from the curve, we run around like cavemen, hot from the block, spot from the spot, swerve from the curve, run around with pavement. Camarade Marquis and Spy, drum and bass at his best, le morceau Swerve. Marquis, c'est vraiment un DJ qu'il faut impérativement aller voir. Même si vous êtes un peu sceptique sur la drum and bass, vous allez voir jouer Marquis, il va vous régler votre compte rapidement. Et je pense que là, vous verrez les choses d'un autre œil. On est parti dans le bizarre, l'étrange, le spécial, Ricardo Tobar, remixé par Apple Skal sur le label allemand Trom. On continue le voyage et on part carrément dans l'espace. It is what it is, Laurent Garnier dans le Move. Ce genre de morceau avec ces espèces de basses très lourdes comme ça, ça me fait toujours penser à DJL. C'est le genre de disque qui, à mon avis, sortirait sur un label comme Gigolo, qui est d'ailleurs en ce moment en train de renaître. Gigolo a eu une petite période un peu bizarre, et puis là il vient de re-signer entre autres les Snuff Crew, il a signé un maxi de Christian Promer, il a signé plein de choses, et je trouve que Helmut, il est en pleine forme, le petit pépère. C'est vrai que ce morceau de Ricardo Tobar, me fait penser à DJ Hell. A savoir qu'à mon avis, le morceau de Ricardo Tobar ne sortira non plus jamais dans le top 50. C'est ma grande guerre, le top 50. Non mais j'étais effaré. J'étais effaré des conneries que j'ai entendues. Franchement. On va écouter un petit peu de house. En ce moment, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont tous en train de sampler des vieux morceaux de disco et de faire des espèces de bombes de dance floor super funky. Donc on en écoute une, parce que moi je viens de là aussi. Le Move, Laurent Garnier. I think I love her. ça marche à mort ça. J'attends le week-end prochain pour le jouer, pour l'entendre sur du son très fort. À mon avis, ça va faire du bien quand c'est joué au bon moment. On arrive malheureusement à la fin de notre émission de cette semaine. Comme d'hab, ça passe toujours beaucoup trop vite. Je vous rappelle, pour toute la playlist et pour écouter les anciennes émissions, www.pedrobroadcast.com. J'espère que tout s'est bien passé chez vous, que vous soyez en France, au Mali, en Suisse ou en Belgique. Moi, j'ai passé un petit week-end en Belgique. C'était pas à piquer des hannetons. Merci 10 000 fois à tous les participants de Laurent Garnier Mix chez moi. Je pense qu'on va se revoir très très bientôt en Belgique pour la fête Piass. On va finir avec de la soul, ça change. Il vient de sortir sur le label Tirk en Angleterre un album de Greg Wilson. Et il y a des espèces de choses monstrueuses et géniales dans cet album. Je vous laisse avec ça. En tout cas, passez une très très bonne semaine, un très très bon week-end. On se rejoint la semaine prochaine à la même heure, sur la même fréquence, dans le même pays. Allez, à très bientôt. Bye bye. What It Is. Toute la playlist dispo sur lemove.com.